je respire, et je respire. Auprès de ma feuille et de mes rimes, mais je sais que j'aurais pu trouver un équilibre. Difficile car la vie n'est pas un peu tranquille. Susceptible, je déteste lorsqu'on me taquine. Ma plume tapine, impossible, j'ai des principes. Dans ces valeurs, je l'éduque, le savoir traîne par ici. Je ne sais pas si du bonheur je me suis préservé. Pardon si j'ai été timide et réservé. Dédicace à mon ancien moi. La vie est un terme et ça, je le conçois. Chronique d'une époque, une pensée sans mêle. Dans mes rêves, la réussite et mes lettres s'entremêlent. Patience, tout arrive à qui sait attendre. Dans l'attente, une confession m'évitera trop me creuser la tente. La religion, la science, tout a une part de sens. Censé rester simple et tout est vrai dans l'inconscient. J'ai toujours voulu être celui qui gère. J'aimerais tout le temps gagner assez de paires. Dans ma tête résonne toujours le même air. Toujours la même plume signée S-A-F-I-R. J'ai toujours voulu être celui qui gère. J'aimerais tout le temps gagner assez de paires. Dans ma tête résonne toujours le même air. Toujours la même plume signée S-A-F-I-R. De l'inconnu, souvent l'homme se garde. L'ignorance serait un signe ou bien un mauvais présage. Tête en l'air ou manque de discernement. Ma vie s'écrit au cœur des mots lentement. Mon bicaval mène une cabale dans une cavalcade. Pour que mon ambition, il faudrait un miracle. J'ai appris que c'était dur de faire son repentir. Rongé par le remords, je m'enfuis dans mes souvenirs. Je suis un homme, mais j'aime philosopher comme un philosophe. Je marque la différence par mon recul. L'ignorance est une insulte comparée à je t'en. L'éloquence est un principe chez moi. De la lettre à le respect que tu me porteras. Pardonne-moi si dans mes textes j'ai pu t'en penser. Si tu as entendu une insulte, un soupir ou même une vérité. J'ai toujours voulu être celui qui gère. J'aimerais tout le temps gagner assez de paires. Dans ma tête résonne toujours le même air. Toujours la même plume signée S-A-F-I-R. J'ai toujours voulu être celui qui gère. J'aimerais tout le temps gagner assez de paires. Dans ma tête résonne toujours le même air. Toujours la même plume signée S-A-F-I-R. Je tenais à m'excuser et à me recueillir. Cette nuit l'inspi m'a empêché de dormir. C'est le calvaire d'un artiste dont la passion le ronge. Mais si seulement vous pouviez voir mes songes. Le revers de la médaille est une chose. Mes rêves sont pour mes pics, tout comme des roses. En quête d'harmonie posée sur un nuage de succès. Soutien succinct, mais tout ça m'est essentiel. Les proches pour vous épauler, les amis pour vous guider. Et on obtient là le mélange parfait. Mon meilleur coup pas pour repartir à zéro. Eh ouais, j'ai la dalle et je veux ma part du ghetto. Je n'ai pas pareil, non. Je vis seulement par mes jours. On n'est pas pareil, je vis seulement par mes jours. Je prends deux secondes et je respire. Et je respire, et je respire. On n'est pas pareil, je vis seulement parmi vous.